tous ceux qui ont deux enfants et donc 84 repas à préparer par semaine. Et à ceux qui pensent que les mois ne devraient faire que 25 jours, parce qu'on se passerait bien des fins de mois, non? En ce moment, Intermarché continue de bloquer le prix des fruits et légumes de saison, comme la barquette d'un kilo de kiwi vert origine France à seulement 2,49€. Soutenir votre pouvoir d'achat, c'est aussi ça être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 février, variété Hayward, calibre 65-70, catégorie 1, modalité sur intermarché.com. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la France, terrain de jeu de renseignements russes. En août 2020, un officier français est accusé de trahison après avoir fourni des informations au service secret russe. Fait rarissime quand il s'agit d'espionnage, le ministère des Armées décide de médiatiser sa mise en examen. Les journalistes foncent, les enquêtes pleuvent. Elles révèlent l'existence d'un courant russophile dans l'armée française, oui, qui soutiendrait idéologiquement Vladimir Poutine. Mais l'affaire de cet agent double, que nous appellerons Marc, c'est aussi celle du FSB russe, service de renseignement et service secret, successeur du KGB, qui a réussi à s'implanter solidement dans l'Hexagone, du jamais vu d'ailleurs, depuis la guerre froide. Plongé donc dans cette guerre de l'ombre qui fait rage dans l'armée, la diplomatie et bien sûr, sur Internet, une bataille rarement mise en lumière, relations diplomatiques oblige. Notre invité aujourd'hui, le journaliste Nicolas Hénin, auteur en 2016 du livre intitulé « La France russe, enquête sur les réseaux de Poutine en France ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Constance Villanova, coordination Christophe Barrère, réalisation Lauriane Toulmont. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Août 2020. Valise vide, péniblement rouverte et remplie à la hâte. Dernier repas festif dans ce qui a été son chez-soi le temps d'un séjour. Pesanteur d'une veille de rentrée. Marc, militaire d'une cinquantaine d'années. Son épouse et ses cinq enfants se préparent à quitter l'Hexagone après des vacances estivales. Direction l'Italie, où cet officier exerce dans une base de l'OTAN, l'organisation du traité nord-atlantique. Appelé Lago Patria, ce bunker, aux allures de campus américain, situé à 30 km au nord de Naples, abrite 900 militaires, dont 80 Français. Dans ce QG méridional, l'OTAN planifie toutes ses opérations au sud de l'Europe, comme les manœuvres des navires en Méditerranée. En cette journée du 17 août 2020, la nostalgie familiale de cet été est brusquement interrompue. Des hommes viennent arrêter le militaire. Des hommes de la DGSI, le renseignement français intérieur. Marc est envoyé à l'isolement dans la prison de la santé à Paris. Et le vernis de la parfaite famille nombreuse des militaires se craquelle. Et pour cause, l'officier est mis en examen pour trahison au service de la Russie. Il aurait transmis des documents confidentiels au service secret du Kremlin, un crime passible de 15 ans de prison après un jugement aux assises. Maintenant, comment a-t-il été découvert? Eh bien, pendant un an, les services de renseignement italiens ont surveillé sur leur sol un officier itinérant russe appartenant au GRU, le renseignement militaire de la Russie. On sait que l'espionnage n'est pas une affaire sensible. Les cibles, en l'occurrence, ce sont les personnes qui ont des faiblesses personnelles. Ce sont elles qu'on peut ensuite retourner, comprenez, les faire changer de camp et les transformer en agents doubles. C'est pendant cette année de filature que l'AISE, les services de renseignement italiens, découvre des liens entre l'espion russe du GRU, leur cible donc, et Marc, le lieutenant-colonel français. Les deux militaires se seraient rencontrés à deux reprises. Le parquet de Paris ouvre une enquête, l'interpellation de Marc et sa mise en examen ont lieu dans la foulée. Le 30 août 2020, donc le 30 août dernier, Florence Parly, ministre des Armées, annonce l'arrestation de l'officier agent double. Ce que je peux dire, c'est confirmer qu'un officier supérieur est sous le coup d'une procédure judiciaire pour transmission ou atteinte à la sécurité. Et s'il est sous cette procédure judiciaire, c'est parce que le ministère des Armées a pris l'initiative de saisir le procureur de la République. Ce que je peux dire, c'est que nous avons pris toutes les mesures de sauvegarde qui étaient nécessaires. Et maintenant, il faut que la justice puisse faire son travail dans le respect du secret de l'instruction. Depuis son arrestation, le 17 août 2020 donc, les militaires de la direction du renseignement et de la sécurité enquêtent sur son parcours pour comprendre depuis quand et comment Marc a été recruté par un espion russe. Étudiant en Saint-Cyr, au sein de la promotion capitaine Amatchek de 1982 à 1992, ses camarades le décrivent comme un cateau tradi, de droite, pur produit de la noblesse française. Et surtout, un profil russophile qui colle impeccablement avec l'idéologie poutinienne. Passionné par la Russie et russophone, il est nommé attaché militaire au Kazakhstan entre 2014 et 2016. Cet immense pays d'Asie centrale sert de base arrière à la défense russe. Rattaché au ministère de la Défense et des Affaires étrangères, son rôle est de recueillir des informations sur le pays par voie légale et les livrer à la France. Dans la base de Lago Patria, près de Naples, où il est en poste au moment de son arrestation, l'officier n'aurait pas eu accès à des informations de haute confidentialité. Mais il est certain qu'il a pu parler avec des gradés de haut niveau. Des échanges pour intéresser le renseignement militaire russe. Car l'OTAN inquiète Poutine. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, les relations entre l'Alliance Atlantique et la Fédération de Russie ne cessent de se tendre. Le maître du Kremlin dénonce l'expansion de cette organisation politico-militaire qu'est le traité atlantique. Ne pouvant assister aux négociations des 28 pays membres, il est dans l'intérêt de l'ex-puissance soviétique de savoir ce qui s'y trame. Un officier du QG Sud de l'OTAN devient ainsi une source d'informations bénéfiques, voire précieuses pour Moscou. En novembre dernier, dans Secret d'Info sur France Inter, Benoît Colombat, Philippe Reltien et Franck Cognard se sont entretenus sur ce point avec un ancien espion de la DGSE, Olivier Masse. Si l'officier collabore complètement, c'est une mine d'or, hein, parce que il est dedans, donc il peut récupérer plein de choses, plein de documents, de rapports, de retours sur expérience, sur les exercices, sur les niveaux techniques. Un service de renseignement, il adore les numéros de téléphone et les adresses mail pour pouvoir ensuite intercepter. Alors là, avec quelqu'un qui est à l'intérieur, on lui fait récupérer des centaines et des centaines de numéros de téléphone. Quand on a quelqu'un qui est inséré dans un système et qui n'attire pas la suspicion, c'est vraiment de l'or. Il faut s'en rendre compte que c'est open bar, c'est un accès direct à énormément de choses. Mais l'officier français de Lago Patria n'est pas le seul militaire à avoir donné des informations secrètes à la Russie. L'armée française cache dans ses rangs un courant profondément russophile, fasciné par l'image d'Épinal de la Sainte Russie. Les valeurs de la famille, de l'église et de la patrie, martelées par le chef Poutine avec son côté viril ou qui veut l'être publiquement, fascinent certains militaires. Le sentiment pro-russe est même parfois injecté dès la formation des officiers. L'Institut des hautes études en défense nationale, qui forme les hauts gradés, a été épinglé d'ailleurs pour avoir organisé des conférences menées par des supporters du Kremlin. Une aubaine évidemment pour le FSB et sa branche militaire, le GRU. Ces agents activent ainsi le fameux I du sigle MICE qui désigne les quatre points cardinaux de la manipulation des espions, vieille comme le monde. M pour monnaie, I pour idéologie, C pour compromise, C, E pour ego. Face aux fans de Poutine, les barbouzes russes n'ont qu'à activer un levier, l'idéologie. Sympathie poutinienne ne rime pas forcément avec espionnage, certes, mais le renseignement russe aurait tort de se priver de ce terreau qui atteint parfois les proches du gouvernement. Décembre 2017, nuit glaciale à Paris. Un vent de guerre froide souffle sur la capitale. Alors que la BAC, la brigade anticriminalité, fait sa ronde, les policiers assistent à une scène étrange, éclairée par la pâle lumière d'un lampadaire. Deux hommes s'échangent une enveloppe. Un trafic de drogue, sans doute. Pendant le contrôle, l'un explique travailler au Quai d'Orsay. Le second, Alexis Gwenaïevitch, brandit directement son immunité diplomatique. Lui occupe la deuxième place au sein de la représentation commerciale de Russie. À l'intérieur de l'enveloppe, la BAC trouve un document classé confidentiel, en provenance du ministère des Affaires étrangères. Après cette interpellation, le site Mediapart révèle que la DGSE a découvert l'existence d'une taupe au Quai d'Orsay, un supérieur du cabinet de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, qui dans l'ombre agissait pour la Russie. Et il avait été recruté par un espion du GRU. Mais il n'y a pas que Poutine qui fascine l'armée française. Ce courant fidèle à la Russie remonte à l'alliance entre ce pays et la Serbie lors de la Première Guerre mondiale, ça ne date pas d'hier, un courant pro-russe et pro-serbe qui s'est intensifié bien plus tard, pendant la guerre en ex-Yougoslavie. En 1998, par exemple, le chef de cabinet de représentants militaires à l'OTAN, Pierre-Henri Bunel, est accusé de trahison. Il aurait fourni à Bruxelles des documents au colonel yougoslave Jovan Milanovic. Des documents ultra confidentiels qui indiquaient les objectifs de frappe en Yougoslavie de l'Alliance Atlantique après la crise du Kosovo. Plus tôt encore, en 1964, la France découvre la double vie d'un autre militaire, Georges Pacques, à qui nous avions consacré une émission. Ce haut fonctionnaire, membre de l'état-major, puis du service d'information de l'OTAN, travaillait en secret pour l'URSS, qui l'abreuvait de notes et de documents confidentiels. Interactualité. Au micro, Roland Mel. Aujourd'hui s'ouvre à la Cour de sûreté de l'État, présidée par M. Léris, un procès d'espionnage. L'accusé, Georges Pacques, brillant universitaire, haut fonctionnaire international, personnage complexe et déroutant. Si ces affaires d'agents doubles de l'armée ont été médiatisées, c'est que le renseignement français n'a pas voulu les étouffer, ça paraît logique. Il avait des raisons. Quand en 2020, Florence Parly annonce devant la presse que Marc, l'officier français de l'OTAN, a été arrêté pour trahison, le message est limpide. Les services secrets français veulent montrer à leurs homologues russes qu'ils restent attentifs et qu'ils savent frapper au bon endroit. Une lutte de l'ombre, rarement mise en lumière, histoire de ne pas rompre les relations diplomatiques et les accords économiques entre les deux puissances. Depuis le début des années 2010, les services français se concentrent surtout sur la lutte antiterroriste, particulièrement avec l'augmentation des menaces d'attentats islamistes et après les tueries de 2015, bien sûr. La lutte contre le terrorisme nécessite de plus en plus de moyens, au point d'éclipser le contre-espionnage. Pour son enquête intitulée « La France-Russe enquête sur les réseaux de Poutine », le journaliste Nicolas Hénin a pu consulter une note confidentielle interministérielle. Elle évalue l'activité actuelle des services de renseignement russes en France. Eh bien, les défaillances y sont légion. Prenons le nom H4, par exemple, qui désigne le service de la DGSI chargé du contre-espionnage russe, souvent cité par la presse et les experts. L'appellation elle-même ne devait pas fuiter. Ce même service H4 est d'ailleurs passé de 80 salariés avant la chute du mur de Berlin à 30 aujourd'hui. Alors, très sévère, la note interministérielle explique que la France est considérée comme le maillon faible de l'Europe. Oui, un terrain de jeu pour les espions et un nid d'espions pour les autres. Il y rappelait que dans les années 90, les agents du FSB venaient s'entraîner à la fin de leur formation en France. À peu près la moitié des diplomates russes en France sont des agents des services de renseignement, soit une centaine de personnes. Au-delà des diplomates, les principaux espions russes en France sont des correspondants de presse ou des expatriés de grandes entreprises comme Gazprom. Le niveau d'activité du renseignement russe est aujourd'hui revenu à celui qu'il avait au moment de la guerre froide, aussi bien en termes d'effectifs que de moyens consacrés. La Russie en profite, d'où le regain d'activité sur un territoire essentiel pour son renseignement d'abord, parce que l'industrie d'armement française est l'une de ses principales concurrentes, mais surtout parce que l'Hexagone compte sur son sol des organisations internationales comme l'UNESCO ou l'OCDE. Et puis, Vladimir Poutine n'est-il pas lui-même le roi de l'espionnage ? Alors qu'il s'en cachait, le chef d'État russe l'assume ouvertement maintenant. Il est un ancien colonel du renseignement et du KGB. Un ex-agent illégal sous couverture en poste à Dresde. Alors, difficile de concurrencer celui qui, adolescent, avait pour idole Jan Berzin, héros de la Révolution et fondateur des services de renseignement militaire, alors que ses camarades se rêvaient plutôt cosmonautes. Poutine en vient même à glorifier les agents doubles à la télé russe. Je sais de quel bois sont faits ces gens-là. Ce sont des personnes spéciales, avec des qualités, des convictions spéciales, des personnes d'une nature spéciale. Tout le monde ne peut pas laisser sa vie derrière lui, abandonner sa famille, ses proches, quitter son pays pour de nombreuses années et dévouer sa vie à servir la mère patrie. Tout le monde ne peut pas le faire. Seuls les meilleurs en sont capables. Je peux le dire sans exagérer, les agents du renseignement illégal vivent avec une telle conception de la cause, du pays et du peuple qu'ils sont uniques en leur genre. Je leur souhaite le bonheur et la prospérité, et je suis sûr qu'ils entendront mes paroles. En dehors de l'armée, les réseaux du renseignement russe en France sont florissants. En plus des traditionnels nids d'espions comme l'ambassade de Russie, Bunker Glacial et Gris sur le boulevard Lannes à Paris, le travail de correspondant de presse également est une couverture privilégiée. En 2014, un attaché de l'air à l'ambassade de Russie, le colonel Ilyushin, a été épinglé pour des tamponnages ou tentatives de recrutement. Il était un officier du GRU. Un journaliste pigiste, spécialiste en politique, a trouvé ces questions trop pressantes et des experts de géopolitique ont relevé des interrogations, disons, déplacées. L'espion cherchait en fait des informations sur les proches de François Hollande, alors président de la République. Et à son retour à Moscou, il est promu général. Sensible. Fabrice Drouel. Au cœur de la polémique entre la France et la Russie pour cause d'espionnage réel ou supposé, un édifice de la capitale dont la première pierre a été posée en 2013, la cathédrale de la Sainte Trinité. Elle alimente tous les fantasmes ou réalités d'espionnage du FSB. La consécration en grande pompe en décembre 2016 de ce qui était un chantier très politique attire curieux, passionnés de la Russie, médias et bien sûr fidèles chrétiens orthodoxes. La liturgie est célébrée par le patriarche Cyrille de Moscou, proche de Vladimir Poutine. Благодарим тебя службе сей южатруп наших, прияти изволил еси, аще предстоят тебе тысячи архангелов и тьмы ангелов. Située en bord de Seine, près de Quai Branly, la flamboyante cathédrale de la Sainte Trinité, ses cinq bulles bâtirent l'œil et les controverses. Les 8400 m² autrefois propriété de l'État ont pris le nom de centre spirituel orthodoxe russe, avec église, école bilingue et centre culturel. Né en 2007, après une visite du patriarche de Moscou, à l'époque Alexis III, l'objectif du Kremlin est bien de séduire les diasporas russes du pays. Côté français, c'est l'occasion de remplir quelques caisses et adoucir les relations entre Paris et Moscou. Le bâtiment clinquant de 170 millions d'euros a été financé et géré par la Fédération de Russie elle-même. Une démonstration de puissance de la Russie éternelle. Et c'est ainsi depuis 20 ans, Moscou et son patriarche tentent de contrôler, paroisse après paroisse, les lieux de culte de l'émigration russe. Un mélange entre soft power et lutte acharnée contre le patriarcat orthodoxe concurrent, Constantinople, qui a autorisé d'autres églises. Le lieu choisi pour cette nouvelle cathédrale n'a rien d'anodin, selon certains experts qui la voient d'un mauvais œil, l'œil de Moscou. Et si ce centre spirituel et culturel servait de base d'espionnage pour le Kremlin? La cathédrale se trouve en effet dans le quartier des ambassades, près de plusieurs logements officiels de l'Élysée, de son service de courrier, du ministère des Affaires étrangères et du logement de fonction du secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Alors les rumeurs aux effluves de guerre froide vont bon train. L'une est même plus tenace que les autres. Et si les bulbes dorés cachaient un dispositif d'écoute? Le FSB et l'orthodoxie russe font bon ménage et ne s'en cachent pas. En juillet 2012, par exemple, le patriarche Cyril de Moscou célèbre une liturgie pour l'inauguration d'une église en plein cœur de l'académie du FSB. Alors pour contrer toute tentative d'infiltration, les services de renseignement français ont demandé le déploiement de systèmes de brouillage sur la zone. Paranoïa pour certains, précaution pour d'autres. Toujours est-il que le mastodonte orthodoxe du Quai Branly n'est pas le seul édifice religieux signé Poutine qui défraie la chronique. En 2018, en effet, un autre bâtiment inquiète. L'église de Tous les Saints, à Strasbourg. Plus classique que sa cousine parisienne, elle est sortie de terre dans un quartier peu fréquenté, loin des paroissiens, mais à deux pas du Parlement européen, de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe. Le tout à quelques kilomètres de la frontière allemande. Mais au-delà de l'armée et de l'église, s'ajoute un autre domaine, moins palpable celui-là, qui est devenu l'arène d'une guerre d'espionnage sans précédent. En 2017, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Jean-Marc Ayrault, s'en indigne au Palais Bourbon. Nous n'accepterons pas quelque ingérence que ce soit dans notre processus électoral, pas plus de la Russie d'ailleurs que de tout autre État. Aucun État étranger ne peut influencer le choix des Français. Aucun État étranger ne peut choisir le futur président de la République. Début 2017, lancement de la campagne présidentielle. Le mouvement La République en marche, créé par Emmanuel Macron, bouscule le paysage politique français. Alors favori des scrutins avec la candidate d'extrême droite, Marine Le Pen, l'ex-ministre de l'économie semble être dans le viseur de Moscou. Ces équipes de campagne se disent victimes de cyberattaques à grande échelle. Une puissance étrangère chercherait donc à déstabiliser le candidat au profit de sa rivale Bleu Marine. La République En Marche comptabilise 2000 attaques au mois de janvier sur le site internet du parti par des pirates localisés en Ukraine. Sans attendre, le Kremlin réfute ces accusations. Au même moment, à la mi-février 2017, Patrick Calvar, le directeur général de la Sécurité intérieure, comprenez la DGSI, est interrogé à l'Assemblée nationale à huis clos. Si aujourd'hui la lutte contre le terrorisme islamiste est une priorité absolue, il n'en reste pas moins que d'autres menaces constituent des atteintes particulièrement graves contre notre souveraineté. Il s'agit de protéger notre économie, notre recherche, notre diplomatie, nos forces armées. Les révélations d'Edward Snowden et la récente polémique aux États-Unis sur l'action supposée des services russes lors de la campagne électorale nous rappellent que l'espionnage n'a pas disparu. Simplement, les modes opératoires ont évolué. Et désormais, ce sont les attaques cybernétiques qui sont privilégiées. Le terrorisme ne doit pas nous faire oublier ces menaces aux conséquences particulièrement graves pour notre pays. Lors de cette audition, quand un député demande à Patrick Calvar si les opérations de cyberattaque russes contre Emmanuel Macron sont avérées, le directeur de la DGSI exige que sa réponse n'apparaisse pas au compte-rendu que nous avons pu consulter. Vendredi 5 mai 2017, 15 rue de l'Abbé Groult, 15e arrondissement de Paris. C'est l'ébullition dans les locaux du mouvement macroniste. Le second tour de l'élection présidentielle qui oppose l'ancien ministre de l'économie à Marine Le Pen a lieu dans 48 heures. Et dans 2 heures, ce sera le moment du blackout qui interdit aux responsables politiques et aux médias de commenter l'élection en cours, dernière ligne droite pour une campagne. Dernier mail, ultime interview, incessante sonnerie de téléphone, des équipes à bout, un candidat harassé. Et sur la toile également, c'est le branle-bas de combat. Les réseaux s'emballent. Un tweet a fait l'effet d'une bombe. Il est signé d'un militant d'extrême droite américain bien connu, Jake Posobiec, un pro-Donald Trump, shooté à la théorie du complot. À la fin de son message, hashtag Macron nixe les fuites Macron. Le contenu de 6 boîtes mail de responsables d'En Marche a été rendu disponible sur un forum puis diffusé sur Twitter. En un clic, 15 gigas de données qui vont des notes de course en VTC à des discours et des factures, des documents authentiques mélangés à des faux. L'objectif est évident, porter un nouveau préjudice aux candidats centristes. Marine Le Pen est soutenue par les Russes, chez qui elle va aller puiser quelques financements pour sa campagne. Dans les médias et les locaux d'En Marche, l'opération de vérification des documents est en cours. Aux côtés des vraies factures de commandes de burgers et des tableurs Excel, d'organisation de meetings, les courriels et documents censés être accablants pour le candidat ont en fait été créés de toutes pièces par les instigateurs de la cyberattaque. Le candidat Macron se retrouve accusé, par exemple, et entre autres, de consommer de la cocaïne ou d'organiser des émeutes antifascistes. C'est gros, mais à 2 jours du second tour, l'extrême droite se gargarise. Malgré l'attaque et ses grosses ficelles, le 7 mai 2017, Emmanuel Macron devient le 8e président de la 5e République. Derrière les rencontres diplomatiques et amicales entre Poutine et le président Macron qui suivent l'élection, le renseignement français contre-attaque sans nommer directement son concurrent, le FSB. Au printemps 2017, Emmanuel Macron renvoie 5 officiers russes à Moscou, expulsés. Une offensive inédite depuis François Mitterrand en 1983 pendant l'affaire Farwell, dont les renseignements avaient conduit au renvoi de 47 soviétiques. Mais début 2018, une nouvelle salve signée Moscou atteint l'un des pays membres de l'OTAN et ravive les tensions. Selon le principe de la défense collective, attaquer un membre de l'Alliance, c'est s'en prendre à tous ses membres. La cible, cette fois, le Royaume-Uni. Bonjour, mon nom est Yulia Skripal. Le 3 mars 2018, je suis arrivée en Grande-Bretagne pour rendre visite à mon père, comme je l'avais fait plusieurs fois auparavant. Après 20 jours de coma, je me suis réveillée en apprenant que nous avions été empoisonnés. J'ai encore du mal à admettre que nous avons été attaqués de cette manière. Le fait qu'un agent toxique ait été utilisé est choquant. Nous sommes tous les deux très chanceux d'avoir survécu à cette tentative d'assassinat. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je voudrais juste dire que le traitement était lourd et profondément déprimant. Le 3 mars 2018, Sergueï Skripal, ancien agent de renseignement militaire russe devenu espion britannique, est retrouvé inconscient aux côtés de sa fille sur un banc à Salisbury, en Angleterre. Tous deux ont été empoisonnés avec un agent neurotoxique, le Novichok. Cet officier du GRU avait travaillé pour le Secret Intelligence Service britannique dès 1995 en tant qu'agent double, avant d'être arrêté en décembre 2004 à Moscou. Reconnu coupable de haute trahison, il est condamné à 13 ans de travaux forcés dans un camp. L'affaire Skripal, la méthode employée et sa monstruosité, digne de celle de la guerre froide, indigne la communauté internationale. Le gouvernement britannique accuse la Russie, qui nie son implication, bien sûr. L'OTAN et des pays de l'Union européenne expulsent alors des diplomates russes. Et Poutine éructe. Ce n'est qu'un espion, un traître à la patrie. Vous comprenez, il existe cette notion de traître à la patrie. Eh bien, il est l'un d'eux. Et c'est un salaud, purement et simplement. Autour de tout cela, une campagne de presse a été montée. Je pense que ça passera un jour. J'espère que ça va se terminer et le plus vite sera le mieux. Les frottements entre services spéciaux, c'est quoi? Ça a commencé hier? Comme on le sait, l'espionnage, comme la prostitution, est l'une des professions les plus importantes au monde. La diplomatie peut-elle survivre à de tels assauts? Coup de France, 2 ans après la cyberattaque qui visait la République en marche, à force d'enquête, la conclusion tombe. Les barbouzes du Kremlin sont bien à l'origine du piratage. 2 unités de pirates étatiques russes sont identifiées, des agents du fameux GRU. Ayant également servi aux États-Unis, 6 hommes sont recherchés par le FBI. Devant leurs photos, à l'été 2020, le procureur général adjoint des États-Unis, John Demers, dénonce leur série de cyberattaques la plus dévastatrice de l'histoire, selon lui. Comme le montre cette attaque, aucun pays n'a armé ses capacités cybernétiques de manière aussi malveillante et irresponsable que la Russie, causant sans raison des dommages collatéraux sans précédent afin de poursuivre de petits avantages tactiques et des accès de rancune. Ce surveillant secret, tout en signant des accords devant les caméras, oui, mais... En août 2020, l'affaire de l'officier français accusé de trahison avec la Russie et sa médiatisation volontaire prouve à quel point la vitrine diplomatique peut voler en éclats quand la guerre du renseignement devient trop pressante. À l'été dernier, à l'instar de ses voisins européens, la France veut aussi envoyer un message fort dans un contexte géopolitique marqué par l'empoisonnement de Alexei Navalny, l'opposant russe envoyé à Berlin pour être soigné, qui n'a pas hésité à revenir dans son pays, où il est désormais en prison. Considéré comme une passoire pour les services secrets russes, après 10 ans aux allures de guerre froide, la DGSI montre ses muscles. Mais la Russie bénéficie de réseaux solides dans l'hexagone, de l'armée jusqu'à l'église, en passant par la diplomatie. Difficile de ne pas penser que les barbouzes de Poutine ont encore de belles années devant eux sur le terrain de jeu français. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'espionnage russe en France, dont nous allons parler avec notre invité Nicolas Hénin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en contre-terrorisme, auteur, ancien reporter de guerre. Vous avez couvert les conflits en Irak et en Syrie. En 2016, vous avez publié le livre intitulé « La France russe, enquête sur les réseaux de Poutine ». Qu'est-ce qui vous a motivé de vous pencher sur ce sujet, les enjeux, les conséquences ? Bah, c'est une excellente question, parce que, comme vous venez de le rappeler, moi, au départ, je suis spécialiste du Moyen-Orient, je suis reporter de guerre, je suis pas du tout spécialiste de la Russie, je parle pas la langue, et a priori, j'ai ni compétence, ni légitimité, pour m'intéresser à ces questions-là. Et en fait, eh bien, je me suis intéressé à ce sujet à cause d'un accident dans la promotion de mon premier livre, Djihad Academy, qui est un livre sur la Syrie, qui est paru au moment où la Russie rentrait en guerre pleinement en Syrie, et j'ai été invité dans une librairie parisienne à une conférence débat dédicace pour présenter ce bouquin. Et cette librairie, c'est une petite librairie qui a un peu une tonalité tiers-mondiste, et bon, pourquoi pas, et je me retrouve face à un public qui m'écoute d'abord d'une oreille distraite et puis commence à me poser des questions complètement délirantes sur avec des fantasmes sur l'interaction entre les djihadistes et les services secrets français, enfin je ne sais quoi. Et là, je commence à regarder le public que j'ai en face de moi. Et je remarque que certains ont des badges ou des pins. Alors, il y en a qui ont des badges avec la faucille et le marteau et l'étoile sur fond rouge. D'autres qui ont un pins avec l'aigle impérial russe. Et je me dis, oulala, mais c'est quoi ce truc-là? Et c'est là que je me rends compte qu'il y a un vrai sujet, qu'il y a une vraie mobilisation d'une mouvance pro-Poutine complètement non naturelle, enfin avec donc c'est à la fois un mélange de nostalgie soviétique et impériale russe qui vient se mettre au service d'une vérité alternative parce que la Russie est rentrée en guerre en Syrie. Et c'est là que je me dis il va falloir que je creuse ça, et ça a été le point de départ de ce livre sur les réseaux russes en France. Très bien, j'ai bien fait de vous poser la question. C'est une vraie, en soi, c'est une vraie histoire, l'idée de ce livre. Ah oui. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à la fin de cette réponse, la Russie en guerre en Syrie. C'est le fait que la Russie soit intervenue en Syrie qui a déclenché ça, vous me dites ? Oui. Et pourquoi ça a déclenché ça ? Mais parce que quand un pays rentre en guerre, il ne va pas envoyer que ses troupes sur le terrain. Mmh. Il va mobiliser l'ensemble de son appareil d'État. Il va mobiliser sa diplomatie, il va mobiliser ses relais d'influence de façon à convaincre, bien sûr, à l'intérieur, sa propre population de la légitimité et de la nécessité même de ce conflit, et aussi pour faire valoir ses arguments sur la scène internationale, a fortiori quand ses buts de guerre sont aussi contestés et contestables que le soutien à une dictature sanguinaire. Bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le courant russophile que nous avons évoqué pendant le récit ? Je voudrais quand même vérifier avec vous de quoi il se compose. Est-ce qu'il est vraiment important dans l'armée française, hein, bien sûr. Quel est donc ce courant ? Alors, la question des vulnérabilités des militaires français à un entrisme russe, c'est une vraie question. Elle est complexe et il faudrait surtout pas la caricaturer. Mmh. D'abord, je pense qu'il faut rappeler qu'on a une ligne de rappel qui est importante et qui est solide. C'est l'héritage de la guerre froide. Beaucoup des officiers français ont lu les manuels qui avaient été rédigés pendant la guerre froide et restent dans ce type de représentation. Par contre, on a un vrai point de vulnérabilité, et c'est ce que vous avez largement décrit dans la première partie de l'émission. C'est en fait les grands narratifs civilisationnels que propage le Kremlin, celui qui représente en gros un Occident chrétien face à un étranger musulman, et ça, évidemment, ça rencontre beaucoup d'échos dans les forces. Mais Là aussi, il faut faire attention parce que la sympathie pour ces thèses-là ou pour cette représentation du monde n'implique pas nécessairement une disposition à trahir. Et c'est pas bien sûr, il faut pas avoir de naïveté vis-à-vis de cette vulnérabilité, mais il faudrait surtout pas surestimer cette vulnérabilité. Au final, il y a un mot, une phrase, une expression d'un haut directeur du ministère des Armées que j'aime beaucoup, c'est que beaucoup de gens parlent le russe sans le savoir. Voilà. Et c'est vraiment un terme que j'aime beaucoup et qui explique que beaucoup de gens se retrouvent propager des narratifs sans se rendre compte qu'en fait, c'est pas des narratifs qui sont favorables à nos intérêts. Alors, l'église, la cathédrale, qu'Ébranly, qui est jolie d'ailleurs, mais est-elle, est-elle, très belle. Bah oui, est-elle ou pourrait-elle être un cheval de Troie de l'espionnage russe, comme on l'a laissé entendre là encore dans le récit? Alors, à mon sens, il y a deux enjeux avec l'Église orthodoxe à l'étranger, l'Église orthodoxe russe. Mmh. Le premier enjeu, c'est le contrôle de ceux qu'on appelle les compatriotes, qui en fait sont la diaspora, sont des expatriés. À l'époque de l'URSS, on avait en France surtout des Russes blancs, donc des personnes qui, de façon très naturelle, étaient dans une opposition stricte à Moscou. Et depuis Poutine, la situation est plus partagée autour de plusieurs lignes de fracture entre des personnes qui, y compris parmi ces Russes blancs, qui se retrouvent très intéressés par l'idéologie poutinienne, j'ai envie de dire, et puis des personnes qui lui restent très opposées. Et ça débouche sur des vraies batailles pour prendre le contrôle des églises. Et accessoirement, on pourrait faire une comparaison avec les débats auxquels on assiste ces jours-ci à l'occasion de la loi séparatisme, dont l'un des objectifs est de chercher à entraver des influences étrangères sur les musulmans en France. Et potentiellement, cette loi pourrait contraindre l'Église orthodoxe russe ou une volonté de la Russie de Poutine de mettre la main sur certains des lieux de culte. Et puis l'autre enjeu, il est principalement culturel, c'est pas pour rien. Enfin, je pense pas que l'Église orthodoxe cherche à convertir en masse des Français. Par contre, c'est l'un des piliers solides de sa diplomatie d'influence. Et quand Nicolas Sarkozy a accepté la construction de cette cathédrale, le président de l'époque, son gouvernement, n'avait pas pensé qu'une installation pareil pouvait comment justement être un élément d'entrisme des Russes. Je ne sais pas, sans doute qu'il a voulu dresser des ponts. Vous savez, quand on a des relations diplomatiques compliquées avec un pays, c'est toujours vers la société civile ou vers les aspects culturels que l'on se retourne. Quand le dialogue politique a du mal à passer, eh bien on va essayer, et avec la Russie ça s'appelle le dialogue de Trianon, on va chercher à maintenir au moins des liens sur les volets culturels ou entre société civile. Peut-être que de laisser ce centre culturel et religieux fondé en plein Paris était une main tendue, une perche dans cette direction. Un lien diplomatique, en tout cas un lien si en cas de crise, il y a au moins ce lien. Nicolas Hénin, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Christine and the Queens, La Marcheuse. Agressif, je vais toujours au devant. solitude, c'est parfait. Quand ça tape, il n'y a personne qui pleure. Fièvre au matin, nouvel air. Je m'en suis fait, je vais m'en défaire. À la blessure, c'est plus rien. J'ai connu pire, j'ai connu la honte. Je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver les ponts qui redessinent. Je vais chercher et hontément les coups portés sur moi, la violence facile. Je vais marcher tout le temps et je m'en vais forcer les regards agressifs. Nicolas Hénin, vous êtes toujours là ? Toujours. Bien, on va reprendre notre discussion autour des espions russes et de la France. Alors, d'anciens espions russes disent que c'est une passoire, la France. Bon, c'est peut-être un peu excessif. Est-ce qu'il y a une part de réalité ? Que faut-il en penser ? Je pense que la France s'est améliorée. Il y avait sans doute une vraie permissivité de l'espace français, notamment, et vous l'avez évoqué, dans les arbitrages qui ont été faits entre contre-terrorisme et contre-espionnage, hein, après la vague d'attentats, mais ce serait vraiment exagéré de qualifier la France comme d'une passoire. Hein. On a Moi, je pense qu'on trouve pire en Europe. Et puis les Russes se vantent certainement. Cela dit, les Russes ont fait de l'espionnage comme un pilier de leur identité. D'ailleurs, les diplomates s'en vantent, parfois ils en rient. À quel point c'est resté ça une culture? Ben, on se souvient du KGB, on se souvient évidemment d'une grande époque de l'espionnage pendant la guerre froide. Et il semble que culturellement, il y ait par rapport à l'espionnage chez les Russes quelque chose d'un peu sacralisé. Je pense que ça a davantage à voir avec le pays, ça a à voir avec le régime politique. Régime politique a nécessairement non seulement des services de sécurité qui sont hypertrophiés, mais aussi font un usage décomplexé de leurs services de renseignement, et aussi un usage détourné, un usage au service direct du politique. Hein, et la tentative d'assassinat récente de Navalny, c'en est encore un exemple. Oui. Et c'est aussi ce qui fait la grande différence avec les démocraties et leurs règles. Hein. Par exemple, en France, le monopole de l'action clandestine revient à la DGSE. C'est le seul des services qui a le droit à l'action clandestine. DGSE qui a aussi l'interdiction d'opérer sur le territoire national. Et puis on a plein d'instances de contrôle. On a une délégation parlementaire au renseignement qui fait pas que de la figuration. On a une commission de contrôle des techniques de renseignement qui va fixer un quota très strict à la fois par service et par catégorie de cible pour les techniques qui vont pouvoir être déployées. Et tous ces chiffres sont publiés. On est dans la transparence. Et c'est ça ce qui fait la différence colossale avec un pays comme la Russie. Alors, vous avez entendu votre voix dans le récit une fois, parce qu'on a cité la note interministérielle datée de 2015 à laquelle vous avez eu accès sur l'activité russe en France. Pouvez-vous nous raconter la découverte de cette note ? Alors, j'étais rentré en contact dans le cadre de mes investigations avec l'un des auteurs de cette note qui a accepté de me la montrer. Dans des conditions qui étaient très sécuritaires, j'ai envie de dire. Enfin, par exemple, on avait tous éteint nos téléphones bien avant de se rencontrer, etc., etc. Il m'a montré cette note, j'ai pu la consulter, je l'ai tenue en main, j'ai été libre de prendre autant de notes que je souhaitais, et par contre, il n'a pas voulu m'en laisser une copie, ni même en prendre un extrait en photo. Et par contre, bah, oui, j'ai discuté avec donc cette auteure qui m'en a fait une lecture commentée. Et j'ai pu poser les questions que je voulais sur pour me la faire décrire et ou avoir des explications sur son contexte. Vous avez été surpris, vous êtes tombé de haut quand vous avez découvert ça, ou vous l'aviez déjà imaginé à travers le travail que vous aviez déjà fait sur ce sujet? Elle correspondait globalement à mes attentes. C'est-à-dire, vous attendiez quelque chose? Je m'étais bien rendu compte qu'il y avait d'une part un certain nombre de vulnérabilités et puis une vraie remontée en puissance du dispositif d'espionnage russe en France et en Occident d'une façon générale. Alors on parle du FSB, il faut dire un mot du GRU, donc ça c'est le service secret militaire, c'est le renseignement militaire, on est bien d'accord. Le GRU a une importance, grande importance dans la pratique espionne des Russes. Oui. Alors, dans tous les pays, en fait, vous allez avoir un découpage des services de renseignement avec, en général, trois grands services, l'intérieur, l'extérieur et le militaire. Mm-hmm. Et en Russie, l'éventail, c'est l'USVR pour l'extérieur. Donc, en fait, c'est surtout l'USVR qui va viser la France, le FSB pour l'intérieur et le GRU, ou GRU, si vous voulez, qui est le renseignement militaire. Et dans la pratique, donc, c'est surtout l'USVR et le GRU qui vont agir soit chez nous, soit contre nos intérêts. Ces services ont certaines missions en exclusivité, mais il y a aussi pas mal de tâches ou de missions qu'ils vont avoir en commun et sur lesquelles ils vont se recouvrir. Dans la pratique, ils ont une relation qui est assez concurrentielle et parmi les tâches très conséquentes qu'ils ont en commun, c'est leur section cyber, ce qu'on appelle une APT. APT pour Advanced Persistent Threat. Donc c'est une unité qui va faire du hacking, du piratage et des virus. Et par exemple, c'est APT 28, donc la section du GRU qui a été à laquelle on a, selon toute probabilité, attribué les Macron Leaks dont vous parliez tout à l'heure. Oui, absolument, pour la campagne. Mais enfin, ces gens-là, les espions russes, n'ont-ils pas conscience que ça peut pas changer de toute façon le scénario, ça pouvait pas changer le scénario de la présidentielle en France? Pourquoi ils se lancent dans quelque chose qui apparaît comme un peu vain, plus utopique? Pourquoi le font-ils? Mais à votre avis, pourquoi un conspirationniste va-t-il, ou un négationniste va-t-il émettre ses thèses ou ses théories délirantes? C'est pas tellement pour vous convaincre qu'il a raison ou vous rallier à sa vérité alternative. Peut-être qu'il y réussira, mais la plupart des thèses conspirationnistes, on est d'accord, sont tellement délirantes qu'il y a assez peu de chances pour que vous y croyiez. Oui. Mais sauf que à force d'exposer ou de propager des vérités alternatives, on finit par semer le doute. Et en fait, l'objectif de ces actions de déstabilisation, c'est pas tellement de vous convaincre que Poutine a raison, que Poutine est le plus beau, le plus fort, et que etc. etc. C'est davantage de polluer les esprits, de brouiller les lignes, de semer le doute, qu'il y ait plus de confiance en rien, et surtout plus de confiance en nos institutions, et qu'au final, on se dise que bof, pas une démocratie libérale, certes imparfaite, hein, la France a des problèmes, y compris politiques, institutionnels, etc. C'est un autre sujet, mais ne vaut à peu près aussi bien qu'un régime autoritaire comme peut l'être la Russie ou d'autres pays étrangers qui mènent ce genre d'action de déstabilisation à l'égard de notre population. L'idée, c'est de semer le trouble. C'est de juste faire régner le doute et de pourrir le terrain politique. Ouais, polluer les esprits, en quelque sorte. Exactement. Alors, il y a un dernier lieu, ce sera ma dernière question, et je vous demanderai une réponse assez courte, on a 30 secondes, qui est un lieu qui alimente tous les fantasmes en termes d'espionnage, c'est l'ambassade de Russie en France, on l'appelle Bunker, elle est située boulevard Lannes, j'ai un peu l'impression que c'était la même chose du temps de l'Union soviétique aussi, hein. C'est un fantasme ou pas? Oui, alors évidemment qu'une ambassade c'est une base naturelle, j'ai envie de dire, pour un service de renseignement, mais c'est pas la plus efficace. Un clandestin notamment, il a surtout pas intérêt à s'y faire voir. Et dans la pratique, le contre-espionnage français semble surtout avoir identifié des structures multilatérales comme étant plus propices pour les Russes d'ailleurs comme pour d'autres services étrangers. Je pense à toutes les agences et les sièges d'organisations internationales. On on a l'UNESCO ou l'OCDE à Paris. Voilà, c'est ça. On a le Conseil de l'Europe à Strasbourg. Et puis, évidemment, Bruxelles, pour cela, est réputée être un sacré nid d'espions. Ce sera le mot de la fin, Nicolas Hénin. Merci infiniment pour tous les détails que vous nous avez donnés. Précieux. Merci, au revoir. Merci à vous. Et Affaires Sensibles aujourd'hui, l'espionnage russe en France, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Henri Bérec.